Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte ABO. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et cette semaine, nous allons vous proposer un numéro spécial de la boîte ABO avec les Césars en musique. En effet, donc les Césars, c'est une cérémonie qu'on retrouve tous les ans. Et bien, c'est l'occasion de revenir sur quelques musiques primées. Une émission bien évidemment co-animée avec Francine. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, nous allons retrouver aujourd'hui donc les plus belles musiques de films et je crois que le choix a été assez difficile. On se retrouve donc dans quelques instants. Alors Francine, tout d'abord, que peux-tu nous dire sur les bandes originales et les Césars ? Alors, le César de la meilleure musique originale est une récompense cinématographique française décernée par l'Académie des arts et techniques du cinéma depuis la première remise de prix le 3 avril 1976 au Palais des Congrès de Paris. Alors, en effet, en 1975, Georges Craven créa l'Académie des arts et techniques du cinéma dont la vocation est de récompenser les réalisations et les travaux artistiques les plus remarquables du cinéma afin d'avoir un équivalent français aux Oscars américains. Les trophées sont donc des compressions métalliques conçues en 1975 par le sculpteur, évidemment César, qui leur a donné son nom. Je vous propose donc de retrouver en musique quelques bandes originales récompensées et le choix n'a forcément pas été facile. Oui, tout à fait Francine, un choix bien difficile. Alors commençons tout de suite par la première récompense en 1976. En effet, le 3 avril 1976 a eu la première cérémonie des Césars sous la présidence de Jean Gabin, quelques mois avant sa mort. Et c'est François de Roubaix qui a été récompensé pour la musique du film Le Vieux Fusil, un film de Robert Henrico. Alors François de Roubaix est un compositeur français qui est né en 1939 mais mort en 1975 lors d'une plongée sous-marine au large des îles Canaries. Et en une dizaine d'années de carrière, il a réussi à créer un style musical en travaillant énormément sur les sonorités, la diversification instrumentale et les mariages entre instruments. De Roubaix envisage dans un premier temps de devenir réalisateur avant de rencontrer justement Robert Henrico. Il compose pour lui la musique de son premier long métrage, Les Grandes Gueules, en 1965. Et c'est également avec un film de Robert Henrico que François de Roubaix reçoit un César, donc Le Vieux Fusil. En effet, ce 3 avril 1976, le jour où il aurait dû fêter ses 37 ans, il reçoit à titre posthume le César de la meilleure musique de film pour ce film, Le Vieux Fusil. Alors, en effet, Jérôme, en 1976, le film nommé dans 9 catégories lors de la première cérémonie des Césars triomphe en remportant 3 prix, celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Philippe Noiret et celui de la meilleure musique pour François de Roubaix. Il obtient le César des Césars en 1985, signe de son caractère particulièrement remarquable. Donc, retrouvons tout de suite un extrait de la BO de ce film interprété par François de Roubaix. Thank you. Donc après François de Roubaix avec Le Vieux Fusil, passons ensuite au compositeur ayant été nominé et non pas récompensé le plus grand nombre de fois, et c'est Philippe Sard qui l'a été avec 10 nominations. Philippe Sard, c'est plus de 300 partitions pour le cinéma et la télévision. Une imposante filmographie qui démarre en 1969 avec Les choses de la vie de Claude Sauté jusqu'à sa collaboration en 2015 avec Louis Garrel sur Les deux amis. Alors Philippe Sard est né en 1948. Immédiatement, la musique sera autour de lui par sa mère André Gabriel, chanteuse lyrique à l'opéra comique puis à l'opéra. Philippe Sard se définit davantage comme un scénariste musical et non comme un simple compositeur de musique de film. Il a donc plus que jamais travaillé à illuminer de l'intérieur l'âme des films. Alors comme tu l'as dit Francine, donc Philippe Sard détient le record de nominations avec notamment des films comme Le Juge et l'Assassin, Le Crabe Tambour, La Guerre donc, du Feu ou plus récemment Le Bossu. Alors Francine, je crois que tu vas nous parler donc du seul film pour lequel il a été récompensé en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Il a été récompensé qu'une seule fois en fait et c'était en 1977 pour le film Barocco, film d'André Téchiné avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Je vous propose donc tout de suite d'en écouter un extrait avec la voix de Marie-France Garcia. On aurait voulu vivre tout ça, on pourrait pas se regarder sans ça. Je me dis que tu te dis où ça nous mènera. Je te dis que je me dis tout nous arrivera. Je m'aime, je m'aime. Je me vois te voir et tu te vois me voir. Tu t'aimes. Je te vois me voir et tu me vois te voir. Je t'aime, tu m'aimes. On se voir et se voir, c'est savoir qu'on s'aime. On aurait. Raconter ça, on ferait pas tout pour effacer ça. En tout cas, tout contre toi, je me suis endormie. Y'a de quoi, y'a pas de quoi rêver toutes les nuits. Voilà, maintenant passons désormais au compositeur le plus primé au César. Eh bien, ils sont trois, chacun ayant remporté trois Césars. Et commençons par Georges Delerue, qui est né en 1925 et mort en 1992. Auteur de plus de 300 musiques de films, il reçoit à trois reprises le César de la meilleure musique, en 1979 pour Préparer vos mouchoirs, en 1980 pour L'amour en fuite et en 1981 pour Le dernier métro. Sa rencontre avec deux réalisateurs issus de la nouvelle vague, que sont François Truffaut et Jean-Luc Godard, sera déterminante pour faire connaître sa musique bien au-delà des frontières de la France, notamment avec ses compositions pour Jules et Jim en 1962 et Le mépris de Godard en 1963. Son écriture musicale s'inscrit dès lors dans une veine essentiellement romantique. Alors oui, Georges Delerue a été le collaborateur fidèle de Truffaut et il composera pour ce dernier une dizaine de partitions, dont notamment L'amour en fuite et Le dernier métro, pour lequel il recevra un César. Alors justement, L'amour en fuite, on va retrouver donc tout de suite un extrait donc de ce film donc réalisé en 1980. Je Voilà, donc c'était un extrait donc de la BO, donc L'amour en fuite, donc un film de Truffaut, donc récompensé donc pour un César. Alors retrouvons maintenant donc un autre extrait, donc cette fois-ci donc pour donc un autre film de François Truffaut, c'est Le dernier donc métro, toujours donc de Georges Delerue. Après Georges Delerue, retrouvons maintenant Bruno Coulet, également récompensé à 3 reprises. Alors, en 1997 pour Microcosmos, en 2000 pour Himalaya et en 2005 pour Les Choristes. Alors, il est né à Paris en 1954. Le style musical de Bruno Coulet peut être très différent d'une bande originale à une autre. Cependant, quelques constantes semblent se dégager. Goût pour l'opéra et pour la voix humaine, en particulier celle d'enfant, pour la recherche de sonorités originales, pour les instruments extra-européens et le mélange de cultures musicales. Retrouvons un extrait du plus grand succès de l'année 2005, évidemment Les Choristes, de Georges Baratier, dont la musique obtient un succès aussi considérable que celui du film, ce qui vaudra à Bruno Coulet son 3e César. Donc nous on retrouve tout de suite « Voix sur ton chemin ». Voilà, donc après Georges Delerue et Bruno Coulet qui ont été récompensés à 3 reprises, ben retrouvons le 3e réalisateur primé 3 fois, qui est donc Alexandre Desplat. Alors né en 1961 à Paris, Alexandre Desplat se fait remarquer à l'international en 2003 avec la bande originale de La jeune fille à la perle. Il est alors de plus en plus demandé à l'étranger, notamment par le cinéma américain, et se met à travailler pour de grands réalisateurs et sur des films à très gros budget. Il est le compositeur régulier de nombreux réalisateurs tels que Jacques Audiard, Wes Anderson, Roman Polanski et Stefan Frears. Alors, il a reçu de nombreux prix pour son travail, dont 2 Oscars pour The Grand Budapest Hotel et La Forme de l'eau, 3 Césars, De battre mon cœur s'est arrêté en 2006, un film justement de Jacques Audiard, The Ghostwriter en 2011, un film de Polanski, et de Rouillé d'os en 2013, film également de Jacques Audiard. Alors justement, je vous propose de retrouver un extrait de la BO de Rouillé d'os, dont l'interprète principale était Marion Cotillard. Quand les chanteurs se mettent à la musique de film. Alors, en effet, de nombreux chanteurs se sont essayés à la musique de film et ont été récompensés. Citons en 1994, 1, 2, 3, Soleil, donc écrit par Cheb Khaled, et en 2007, Ne le dis à personne, écrit par M. Donc, pour 1, 2, 3, Soleil, Khaled signe la musique du drame de Bertrand Blier et retrouve le cinéma après Amoureuse de Jacques Doyon en 1992 avec la chanson Kébou qu'il interprète et dont je vous propose d'écouter un extrait. Ayy, Voilà, c'était un extrait donc de la bande originale donc du film 1, 2, 3 Soleil, interprété par Khaled. Alors, autre César décerné à un chanteur, eh bien, on va retrouver maintenant un film, donc Ne le dis à personne, qui est le deuxième film de Guillaume Canet et qui a été récompensé donc en 2016 pour le César de la meilleure musique de film, avec donc Mathieu Chédid qui a interprété la musique en live en découvrant les images comme Neil Young sur Dead Man avec de Jim Jarmusch ou Ray Coder pour Paris Texas. Il en résulte une musique spontanée, dépouillée, tantôt en accord avec les images, tantôt en contrepoint. Je vous propose d'écouter un court extrait de la bande originale de ce film. Voilà, c'était un petit court extrait donc, de la bande originale donc, du film de Guillaume Canet, donc Ne le dis à personne, récompensé en 2006. Musique donc, de Mathieu Chédid. Alors pour terminer cette émission, passons maintenant à nos propres coups de cœur parmi tous ces films qui ont été récompensés. Eh bien, mon coup de cœur, moi, c'est Cyrano de Bergerac, donc un film donc, de donc, Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu qui a obtenu donc, un César en 1991. Et la musique a été donc composé par Jean-Claude Petit. Et donc, Francine, juste après, on écoutera ton coup de cœur. Voici donc Jean-Claude Petit avec Cyrano de Bergerac. Eh bien, Jérôme, moi, mon coup de cœur, c'est la valse d'Amélie Poulain de Yann Tiersen, qui devient en effet en 2001 mondialement connue pour sa composition de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour laquelle il obtient le César de la meilleure musique de film en 2002. Je vous propose donc d'en écouter un extrait. Voilà, c'était un extrait donc d'Amélie Poulain, donc un film réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec une musique de Yann Tersen. Voilà, ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO, donc consacré au César. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir ou écouter ces belles musiques de films. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet. Alors Francine, fidèle au rendez-vous la semaine prochaine? Ah bah oui, hein, sans problème. Eh bien donc, passe une bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Fadjet.